calme qu'un zombie, il va prendre l'extincteur. Il passe direct sous le nez des enfoirés prêts à passer à l'action, et il le plante juste devant l'entrée. Et là, il se commande une maouze boutanche de l'agneau la plus percutante qu'on sert dans le pub. Il remet son match de foot. Là, tu fais chier, dit le gros con. Tu fais chier qui ? Dit Rory. Il tape une bonne lampée qui crache à la gueule du gros. Il lui balance une allumette en pleine poitrine, et le gros, il s'enflamme comme un tuyau de gaz qui fuit. Et Rory, imperturbable, retourne à son match. Et son équipe gagne en plus. 4-0. 4-0. Riot. Les intros c'est comme les bouteilles, je les ai toujours finis. Les intros c'est comme mes textes, ils sont toujours crimis. Mais elles sont pour les vrais, pas ceux qui lâchent leur sap pour une minette. Ceux qui veulent braquer le boulanger parce qu'ils ont eu trop de miettes. Ceux qui arrivent à faire chose quelque avec miettes, qu'ont jamais balancé à force d'habitude. Même devant la daronne continue à nier. Ceux qui ont un cœur tellement somme que l'on faut pour le faire rayonner. Ceux qui enraillent les bâtards qui leur est au nez. Rentrent à la zone mais ceux qui ont le poulet riolé. Ceux qui kiffent se casser de leur ville même un week-end, qui sont pas bilingues, un touriste leur dit yes we can, Nick Obama mais yes we can, devenir touriste, ha ha, comprends, faut des sous, donc le belge le nique, dis ceux qui ont mis tellement de carottes qui peuvent alimenter, fuck Benny, sans rancune, pas de roman, on n'est pas béni, les bons passent, le Pluton est pour un regard béni, ceux qui volent, gorgent pour les bénévoles, une pour les bons, pas les fous qui tombent de folle, y'a un plan sûr, sorti d'un gars sûr, si c'est sûr, ben sûr, ça, il me le dit. Tira pas de voix, ceux qui savent que mes punchlines, c'est comme les auditions, c'est toujours la même. J'attends pas, et te laisse en voix. J'fume trop et le jour du mal à me réveiller. Putain, rien qu'on se marre, pourtant pas de quoi s'en payer. Une pour ceux qui sont sous pillave mais disent pas être empégués. Qui veulent battre au moteur physique, le kayak pour qu'on pégue. Ceux qui veulent cayenne en la mort quand leur poteau dit on fait le guetteur. C'est des terres qui restent à pas fête, c'est ambiance ghetto. Juste la tête, cette guetta qui aimerait aller au VIP room l'orquet. Là, la substance, pour l'instant, ça galère. On va mourir, donc on fait un gros pile de frappe pour tuer le temps. Ceux qui tendent la main dans ta poche si tu l'étends. Ouais, ceux qui font dans la masse de tout pas. Mais aimerait avoir le filon sur la recette, elle touche pas. Mais ça arrivera pas, si ça arrive, arrache-toi comme tu lâcheras ou tout pas. Ceux qui ont plus trop peur, qui verront partir à l'aéroport. On fait pas couler la goutte, laisse-moi te dire qu'elle est au bord. Ceux qui tombent pas 24 heures de la conso ont besoin de voir. Qui répond c'est ma mif quand une meuf leur dit j'ai besoin de toi. À peine que j'ai tiré une barre, j'pensais un deuxième spa. Être rouleur de joint, consommateur en deuxième sport. Hey, hey, là j'archifie, j'fais le guignol. À peine que j'ai pris une pute, j'pense déjà une deuxième gnole. J'pense qu'un mec a déjà balancé, retitra un deuxième nom. Écoute, t'as fait un bon texte, t'as envie d'entendre un deuxième nom. Automatique comme les deux, sont suivis du troisième doigt. Logique comme les deux premiers, sont suivis du troisième poids. Dans la classe, toujours deux cons, on a lâché l'école avant la troisième. Amène mes textes à des profs, j'serai à deux du troisième. Des capacités mais dissipées. Un côté intelligent, deuxième à foutre la merde. S'il est décidé à deux idées, t'es décisif. Pouvais pas avoir de brevet, j'ai eu à braver. Six conseils de discipline, je me dis stupide. Quand je vois les bolosses de ma classe de mec, c'est clean. Ma réussite, je vois la ligne d'arrivée à 2 mètres comme un cycliste. Si je fais un pas de recul, il faut que j'en prenne de d'avance. Pas de surplace comme ce mec qui vient prendre une, puis deux avances. La billet dure pour plus de 2000 paros pour partir en vacances, sortir de la France pour faire plus que 2x7 pour dire t'as de la chance. Les vices sont à l'affût comme deux mecs qui font de la chasse. Moi je fais de la rime, beaucoup font de la chiasse.